Bonjour, que fêtez-vous donc? Bonjour, que fêtez-vous donc? Bonjour, que fêtez-vous donc? J'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai rien compris.